北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友你们好，很高兴我们又在法语三百句节目中见面了，我是彭文娟。 Salut chers amis, je suis Marc, ça va bien? 今天我们将一起来学习第十三课，这一课谈的是关于约会的一些表达法。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 13, demander un rendez-vous. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。 Allô, c'est mademoiselle Durand? Oui, c'est elle-même, qui est à l'appareil? C'est Monsieur Vincent. Je ne me sens pas bien ce matin. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une forte fièvre et je tousse. Vous avez pris des médicaments? Oui, mais je ne peux pas aller au rendez-vous. Excusez-moi. 从上面的小对话中，我们知道如果不舒服，就应该及时去看医生，还要按时服药。另外，最后一句话中出现了一个新的单词，约会，用法语说就是 rendez-vous。 在这个快节奏高效率的社会里，每个人的工作日程都排得满满的。如果您想和谁见面，必须事先定一个约会，如 J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon. 我想和西蒙先生定一个约会。 J'aimerais 是一种客气的说法，意思就是我想。 Avoir un rendez-vous avec quelqu'un 就是和某人定一个约会。 J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon. J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon. 约会实际上就是约定一个时间。 Votre rendez-vous est à 9h du matin jeudi prochain. 您的约会时间是在下星期四上午9点钟。表示在几点钟可以用 are 加上时间。Jeudi prochain 意思是下星期四。 Votre rendez-vous est à 9h du matin jeudi prochain. Votre rendez-vous est à 9h du matin jeudi prochain. Hey Marc, 我们也约一下下次什么时候来录音好吗？ Je peux venir tous les jours sauf mardi. 除星期二以外，我哪一天都可以来。我们重点要学习的就是句中的 sauf 这个词，它的意思是除了。 Je peux venir tous les jours, sauf mardi. Je peux venir tous les jours, sauf mardi. 有时候由于某些原因，定好的约会时间需要推迟，如 Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi. 他想把他的约会从星期四改到星期五。这里的改到实际上就是推迟的意思，用 remettre 这个词来表达。的 are 这个词组表示从什么时间到什么时间，或者从什么地方到什么地方。 Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi. Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi. 我们也有可能遇到要取消约会的情况，所以这个表达法也很重要。 Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous. 她没有打电话到办公室取消她的约会。取消约会就是 annuler un rendez-vous. Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous. Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous. 好，现在我们把这段内容连起来读一下。 J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon. Votre rendez-vous est à 9h du matin jeudi prochain. Je peux venir tous les jours sauf mardi. Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi. Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous. 我们再读一遍。 J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon. Votre rendez-vous est à 9h du matin jeudi prochain. Je peux venir tous les jours sauf mardi. Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi. Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous. 听众朋友，您现在收听的是法语三百句。刚才我们谈到如何取消约会，那么订约会的时候，当然也需要确信对方能不能赴约。您可以这样问他 ：Êtes-vous sûr de pouvoir venir？ 您是不是一定能来 ？Être sûr de faire quelque chose， 意思是肯定能做某事。如果是这样一个句子，我肯定能在早上七点到达，就应该说 ：Je suis sûr de pouvoir arriver à 7h du matin。Êtes-vous sûr de pouvoir venir? Êtes-vous sûr de pouvoir venir? Hey Marc, 上次我们约好了见面，你怎么没去呢？ Je n'ai pas pu venir au rendez-vous parce que j'étais malade. 我没能赴约，因为我病了。Venir au rendez-vous 或者 aller au rendez-vous 都是赴约的意思。Parce que 意思是因为。J'étais表示的是一种过去的状态。 Je n'ai pas pu venir au rendez-vous parce que j'étais malade. Je n'ai pas pu venir au rendez-vous parce que j'étais malade. 当您去朋友家做客时，别忘了最好先给他打一个电话。 Voulez-vous appeler avant de venir? Sinon, nous pourrions être absents. 您来以前，请先打个电话。否则我们可能不在家。Avant de 后面可接一个动词，意思就是在做什么之前。Nous pourrions 表示的是一种可能性。 Voulez-vous appeler avant de venir? Sinon, nous pourrions être absents. Voulez-vous appeler avant de venir? Sinon, nous pourrions être absents. 我们在生活中经常说定个日子。或约个日子，下面看看用法语怎样来表达这个意思。 Fixons un jour pour aller faire des courses. 咱们就定个日子去买东西吧。Fixer un jour 就是定个日子，那么咱们定个日子就是 fixons un jour. Faire des courses 就是买东西的意思。 Fixons un jour pour aller faire des courses. Fixons un jour pour aller faire des courses. 据说有些法国人经常迟到，所以如果您请一位法国朋友做客，不妨请他早点来。 Venez un peu plus tôt si vous le pouvez. 如果可以的话，请您稍微早点来。Un peu plus tôt 意思就是早一点。Si vous le pouvez 中的代词 le 代替的是前半句话。 Venez un peu plus tôt si vous le pouvez. Venez un peu plus tôt si vous le pouvez. 下面我们来复习一下与 rendez-vous 有关的几个词组。定一个约会 ，avoir un rendez-vous。 J'aimerais avoir un rendez-vous avec Monsieur Simon。 推迟约会 ，remettre le rendez-vous。 Il veut remettre son rendez-vous de jeudi à vendredi。 取消约会 ，annuler le rendez-vous。 Elle n'a pas appelé le bureau pour annuler son rendez-vous。 赴约。Venir au rendez-vous. Je n'ai pas pu venir au rendez-vous parce que j'étais malade. 下面再复习一下其他的几个词组。Sauf. Je peux venir tous les jours sauf mardi. Être sûr de faire quelque chose. Êtes-vous sûr de pouvoir venir? Avant de. Voulez-vous appeler avant de venir? Sinon, nous pourrions être absents. 最后我们看一看本课出现的几个音标 A, I, E, aimerait, faire, E, N, en, rendez-vous, A, N, en, avant. 听众朋友，今天我们就学习到这里，您可别忘了我们下次见面的时间哦。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。